les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Quatrième épisode. Pip a découvert le secret de Mademoiselle Havisham. Jeune, elle a été abandonnée par son fiancé le jour de son mariage et n'a plus voulu depuis revoir la lumière du jour. Elle vit désormais recluse. Après avoir nourri chez Pip l'espérance d'une vie meilleure, elle le congédie brutalement. Pip sera forgeron, comme son beau-frère Joe, chez qui il entre en apprentissage. Devenu trop grand pour l'école de la grand-tante de M. Wopsle, je fus dispensé de mon éducation auprès de cette absurde créature. Pourtant, chaque dimanche, je m'acharnais à transmettre mes connaissances à Joe. Il ne se rappelait rien d'une semaine sur l'autre, mais nous étions bien, au grand air, face à la mer. Attends, voilà, je veux dire que ça vient. Joe, tu crois pas que je devrais rendre visite à Mademoiselle Havisham? Eh bien, Pip, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on rend visite à quelqu'un? Il y a peut-être des genres de visites où c'est une question qu'on peut laisser grande ouverte. Mais pour ce qui est d'une visite à Mademoiselle Havisham, elle pourrait penser que tu veux quelque chose. Que tu espères quelque chose d'elle. Et tu crois pas qu'il suffise que je lui dise que je n'attends rien d'elle? C'est possible, Pip. C'est possible qu'elle te croie. C'est possible aussi qu'elle te croie pas. Tu comprends, Pip? Mademoiselle Havisham a eu un beau geste envers toi. Et après qu'elle a eu son beau geste, souviens-toi, elle m'a rappelé pour me dire que ce serait tout. Oui, Joe, je l'ai entendu. Tout? Oui, Joe, je l'ai entendu, je te dis. Par là, je veux dire que ça pouvait vouloir dire fini. N-I, ni, c'est fini. Moi au nord, vous au sud, et adieu. Mais, Joe... Oui, mon vieux. Me voilà au bout de ma première année d'apprenti et je n'ai jamais remercié Mademoiselle Havisham ni pris de ses nouvelles. Je me suis même pas rappelé à son bon souvenir. C'est vrai, Pip. Et pour le souvenir, à moins de lui fabriquer deux paires de fer à cheval, ce que je veux dire par là, c'est que même un jeu de quatre fers, c'est pas forcément le cadeau qui convient quand il y manque les quatre sabots. Eh, Joe, ce que je voulais te dire, c'est que comme c'est calme à la forge en ce moment... Si tu me donnais une demi-journée, je pourrais aller en ville et rendre visite à Mademoiselle Havisham. Faudrait voir à se rappeler que son nom n'est pas Havisham, à moins qu'on ne l'ait rebaptisé. Je sais, Joe. Je sais, je me suis trompée. Qu'est-ce que t'en penses alors? Si tu juges que c'est la chose à faire, Pip, moi aussi. Mais si jamais on ne te reçoit pas cordialement... ou si on te décourage de renouveler une visite accomplie sans motif ultérieur que de remercier pour une faveur déjà reçue, alors, cette expérience de déplacement, faudra pas la renouveler. Je te le promets, Joe. C'est ça, Pip. L'ouvrier de Joe, Orlick, ne m'aimait pas davantage apprenti qu'enfant. Quand il m'entendit rappeler sa promesse à Joe, il était en train de marteler un fer rouge. Moi, j'étais au soufflet. Mon maître, vous allez quand même pas en avantager un et pas l'autre? Si le jeune Pip y prend sa demi-journée, le vieil Orlick il doit pouvoir en faire autant. Qu'est-ce que tu ferais de ta demi-journée? Qu'est-ce que j'en ferais? Et lui, qu'est-ce qu'il en fera? J'en ferai tout autant que lui. Pip, il doit aller en ville. Eh ben, le vieil Orlick, il ira en ville aussi. On peut être deux à aller en ville. C'est pas parce qu'il y en a un qui y va que ça empêche l'autre. T'énerve pas. Ça, c'est à moi de voir! Qu'est-ce que c'est que c'est? Va-t'en en ville. Allez, mon maître, pas de favoritisme ici. Vous êtes un homme ou quoi? On parlera quand tu seras calmé. C'est bon, mon maître. Ça va mieux ? Ça va. Plus que d'une manière générale, Orlik, tu fais ton travail plutôt aussi bien qu'un autre. On va dire que c'est congé d'une demi-journée pour tout le monde. T'es donc bien riche que tu gaspilles les salaires comme ça ? Ah, si c'était moi qui dirigeais ici ! Ouais, si c'était que de vous, le monde entier, il devrait vous obéir. Laisse-la tranquille, Orlik. Question imbécile et voyou ? Je serai à la hauteur de qui on veut. Même de toi, qui est le voyou le plus pire de la France et de l'Angleterre réunis. Vous êtes une mégère poisseuse, mère Gargerie. Et si ça vous fait experte en voyou, vous devez être la meilleure. Tu la laisses tranquille maintenant ? Quoi ? C'est quoi qu'il m'a dit ? Ce pauvre type ? Il m'a dit quoi ? Et devant mon mari en plus ? Mais retenez-moi, non mais retenez-moi ! Ah, je te retiendrai comme il faut si t'étais ma femme. Je te retiendrai par le sifflet et je te le couperai. Je t'ai dit de la laisser tranquille. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Écoutez-le ! Dis-le de quoi tu me traites ? C'est Orlik ! Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi la porte ! Je l'avais heureusement fermé à clé, et s'il y avait un homme dans le voisinage capable de l'emporter sur Joe, je ne l'ai jamais rencontré. Orlik se retrouva bientôt à plat ventre sur le tas de charbon et pas pressé d'en sortir. Joe ouvrit la porte et alla ramasser ma sœur tombée évanouie près de la fenêtre avant de l'allonger dans la maison pour la faire revenir à elle. Le calme retomba avec ce silence qui suit toute agitation. Une nouvelle fois. Bien, bien. Viens me voir de temps en temps. Viens pour ton anniversaire. Ah, je vois que tu cherches Estella. J'espère qu'elle va bien. Elle est à l'étranger pour parfaire son éducation. Plus ravissante que jamais. Admirée par tous ceux qui l'approchent. Parfaitement inaccessible. As-tu bien le sentiment de l'avoir perdue ? Tu peux t'en aller maintenant. Allez, va. Je n'avais aucune envie de rentrer et je regardais tristement les vitrines des magasins, rêvant à ce que j'achèterais si j'étais un gentleman. Le soir venu, je tombai sur M. Wopsle et nous décidâmes de rentrer ensemble au village. Il faisait nuit noire. Une fois sortis de la ville, nous tombâmes dans une brume épaisse et humide. Le vent a tourné. Il vient des marais. Il apporte toujours ce brouillard dans sa course. Mais qui est là ? Regarde, Pip, près de la barrière. Orlik, c'est toi ? Ah, j'attendais là depuis un petit moment, au cas où quelqu'un viendrait, histoire d'avoir de la compagnie. Tu rentres tard ? Ah oui ? Et toi donc ? Finalement, t'es allé en ville aujourd'hui ? T'es allé où ? Un peu partout. Au fait, il y a encore eu du canon. Au ponton ? Encore des oiseaux qui se sont envolés. Ils donnent du canon depuis qu'il fait nuit. Ça va pas tarder à tonner encore. Oh mon Dieu. Des forçats évadés. Et on y voit goutte dans cette obscurité. Il n'y a qu'à marcher plus vite. Les trois joyeux bateliers sont encore allumés à cette heure-ci. Et la porte grande ouverte. Je vais voir ce qui se passe. Frappe. Tu as bu en ville? Pourquoi que j'aurais bu? Il y a un sang. Alors, ça sent l'alcool? Non, c'est vrai. Il y a eu un accident chez toi, Pip! Cours! Courons tous! C'est chez toi! Il s'est passé quelque chose! C'est ta sœur, Pip! Elle s'est pris un coup sur la tête par derrière. Il paraît qu'il y a plein de sang partout. Il paraît qu'elle est morte. Au matin, après avoir veillé ma sœur une partie de la nuit, l'esprit plus clair, je pus écouter le récit de Joe avec une attention apaisée. Je rentrais tranquillement des bateliers, et là je trouve la porte grande ouverte. Bon, ça m'a pas inquiété plus que ça. Et j'ai appelé ta sœur, des fois que Laure était dehors, même si c'était pas dans ses habitudes. Elle aime pas le noir, ta sœur. Et il faisait noir dedans, à part le feu dans la cheminée. C'est là que je l'ai vue par terre. Il y avait plein de sang coagulé sur son crâne. Ça ressemblait pas à un accident. Et je savais pas quoi faire. Et j'ai appelé à l'aide. Et les voisins sont arrivés. On l'a relevée. Et on aurait dit qu'elle était morte. Et Dieu merci. Elle l'est pas, Pip. Dieu merci. Elle l'est pas. Tant qu'elle ne peut pas se lever... Il va falloir trouver de l'aide. Une garde malade, quelqu'un. Elle va redevenir comme avant, tu crois, Pip? Ben, j'en sais rien, Joe. T'as vu comme elle voit tout en double? C'est peut-être le choc. C'est normal, peut-être. On dirait qu'elle n'entend pas bien et on comprend pas quand elle parle. Ça vient d'arriver, Joe. C'est normal, peut-être. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Ma sœur resta alitée et ne se rétablit jamais complètement. Mais son caractère s'était étonnamment amélioré et elle se montra patiente. La grand-tante de M. Wopsle réussit à se guérir de cette mauvaise habitude qu'est la vie et un matin... Nous vîmes débarquer Biddy avec une petite boîte cabossée contenant toutes ses possessions. Biddy était la petite fille de la grand-tante de M. Wopsle. Elle arriva chez nous comme une bénédiction. Elle veillait si bien sur tout que je pus me remettre à mes études, en plus de la forge. Je pris l'habitude de rendre visite à Mademoiselle Havisham une fois par an pour mon anniversaire. À cette occasion, elle me remettait une guinée. Ça, plus mon argent de poche, me permettait de me procurer quelques livres et du papier et de poursuivre mon instruction, dont je n'étais pas peu fier. Chacune de mes minuscules connaissances fut payée au prix fort. Biddy, comment fais-tu? Ou je suis très bête, ou tu es très intelligente. Comment je fais quoi? Tout. Tu tiens la maison d'un côté, de l'autre tu fais des miracles avec ma sœur, et en plus tu apprends tout ce que j'apprends en même temps que moi et aussi bien. Je pourrais te demander comment toi tu fais. Chaque soir, quand tu reviens de la forge et que tu te mets à tes livres... Tout le monde peut voir que je me mets à mes livres. Mais toi, tu es là en train de repriser le linge. Tu n'es pas en train d'étudier et à la fin, tu en sais autant que moi. Il faut croire que ça s'attrape comme le rhume. On se parlait davantage avant. Tu veux pas qu'on aille marcher dimanche prochain? On parlera. C'était l'été. Le temps était délicieux. Dès que nous commençâmes à voir les voiles dispersées sur la mer, je pensais à Mademoiselle Havisham et à Estella. Biddy, Il faut que tu me promettes de garder le secret sur ce que je vais te confier. Je te le promets, Pip. Je vais devenir un gentleman. À ta place, moi, je voudrais pas. Déjà, ça ne peut pas marcher, je crois. J'ai de bonnes raisons de vouloir devenir un gentleman, figure-toi. Tu es le mieux placé pour en décider, Pip. Mais tu ne crois pas que tu es plus heureux comme tu es aujourd'hui ? Enfin, Biddy, je ne suis pas du tout heureux comme je suis. Pour que je sois heureux, il faudrait que ma vie soit radicalement différente de ma vie actuelle. C'est très dommage. Je sais, Biddy. Je le regrette profondément. Mais j'y peux rien. Si je pouvais aimer la forge, ne serait-ce que moitié comme je l'aimais quand j'étais petit, je sais que ce serait beaucoup mieux pour moi. Peut-être qu'on serait devenu associé avec Joe à la fin de mon apprentissage. Et tu te serais contenté de ce pipe-là, hein, Biddy ? C'est vrai, je ne suis pas très difficile. Au lieu de quoi, tu m'entends ressasser, mécontent, insatisfait. Si on ne m'avait pas traité un jour de vulgaire et ordinaire, j'en aurais jamais eu l'idée tout seul. Voilà deux qualificatifs qui ne sont ni très polis ni très justes. Qui t'a parlé comme ça ? La très jolie jeune fille qui se trouvait chez Mademoiselle Havisham. Et elle est plus jolie que n'importe qui au monde. Et je l'admire énormément. Et c'est à cause d'elle que je veux devenir un gentleman. Tu veux devenir un gentleman pour la contredire ou la conquérir ? J'en sais rien. C'est toi qui vois, mais le meilleur moyen de la contredire serait de t'en ficher complètement. Quant à la conquérir, il me semble qu'elle n'en vaut pas la peine. Je me suis dit la même chose plein de fois. Et même si c'est vrai, il n'empêche que je l'admire énormément. Pity. Si seulement j'arrivais à tomber amoureux de toi. Tu m'en veux pas de ma franchise, vu qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Bien sûr que non. Ne te soucie pas de moi. Si seulement j'y arrivais, ce serait parfait pour moi. Mais tu n'y arriveras jamais. Je sais pas comment tu peux dire ça. Parce que j'en suis sûre. Ah bon ? Il m'apparaissait évident que Biddy valait beaucoup mieux qu'Estella, qu'il n'y avait aucune honte à mener une vie laborieuse. Puis les souvenirs de la maison de Mademoiselle Havisham fondaient sur moi comme un missile destructeur et je me cramponnais à mon idée fixe. Une fois mon apprentissage terminé, Mademoiselle Havisham ferait ma fortune. C'était la quatrième année de mon apprentissage, un samedi soir aux Trois Joyeux Bateliers. Nous étions un petit groupe autour de M. Wopsle qui faisait la lecture d'un fait divers particulièrement sanglant. Son interprétation passait de Timon d'Athènes à Coriolan. Nous nous amusions autant que lui. Voilà, alors... Exactement. Ayant ordonné à son fils aîné d'aller s'occuper de la litière des vaches, Eugène Griffith fut pris à partie par son épouse, excédé de ses abus de boisson. Et il sortit de la maison, fou de rage. Son garçon, pour son plus grand malheur, ayant recouvert la litière souillée de litière neuve, l'accusé sortit son couteau et lui en asséna plusieurs coups. Puis, se saisissant d'un gros bâton, il frappa à la tête sa femme. Survenu au secours de son enfant, le sang jaillit et les os craquèrent sourdement. Mes amis, je propose que nous votions ici même notre verdict. Personnellement, je réclame la mort pour meurtre avec préméditation. En face de moi se trouvait un étranger au regard plein de mépris qui se mordait le côté de l'index en nous observant. Je ne pense pas qu'il m'ait reconnu. Mais moi, je reconnus l'homme que j'avais croisé dans l'escalier de Mademoiselle Havisham. Je reconnus sa grosse tête, son teint bistre, ses yeux enfoncés, ses sourcils épais, sa grande montre à gousset, les puissants points noirs que formaient sa barbe et ses favoris, et jusqu'à sa forte odeur de savon. Eh bien, monsieur le lecteur, votre opinion est bien établie. Coupable, bien sûr. Allez, dites-le. Monsieur, bien que n'ayant pas l'honneur de vous connaître, j'affirme effectivement coupable. Ouais, coupable. Je m'y attendais. Je vais maintenant vous poser une question. Savez-vous ou ignorez-vous que selon la loi anglaise, vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que votre culpabilité soit démontrée? Démontrée, vous m'entendez? En tant que citoyen anglais moi-même... Alors, vous le savez ou vous l'ignorez? Qu'en est-il? Vous le savez ou vous ne le savez pas? Évidemment, je le sais. Évidemment, vous le savez. Alors, pourquoi n'en avoir rien dit? J'ai une autre question pour vous. Savez-vous qu'aucun de vos témoins n'a encore subi de contre-interrogatoire? Tout ce que je peux dire. Je ne vous demande qu'un mot en réponse. Oui ou non? Je vais vous aider. Vous ne le méritez pas, mais tant pis. Regardez le journal que vous tenez dans votre main. Qu'est-ce que c'est? Regardez-le bien et dites-moi si l'accusé a expressément affirmé que ses conseils lui ont demandé de réserver son témoignage pour sa défense. Je viens de le lire. Ce n'est pas ce que je vous demande. Vous pouvez bien lire le Notre Père à l'envers si ça vous chante. Regardez le journal. Non, non, non, non, mon ami, pas en haut de l'article, comme vous savez très bien, mais en bas de la colonne. Alors, ça y est, vous avez trouvé? Oui. Maintenant, lisez le paragraphe et dites-moi s'il est bien indiqué que le prisonnier a expressément affirmé qu'à la demande de ses conseils, il réservait ses déclarations pour sa défense. Alors? Ce ne sont pas les mots exacts. Mais la substance l'est-elle? Oui. Oui. Maintenant, je vous demande ce que vous avez à dire à la conscience de l'homme qui a pu être convoqué comme juré à ce même procès. Et s'étant ainsi personnellement et profondément engagé en condamnant l'accusé, peut rentrer chez lui, se coucher tranquillement, après avoir juré de juger en son âme et conscience et de prononcer un jugement sincère au vu des preuves citées avec l'aide de Dieu. Méditez. Monsieur le lecteur, méditez. D'après les informations que j'ai reçues, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il se trouve parmi vous un forgeron du nom de Joseph ou Joe Gargery. Lequel est-ce? Le voilà. Vous avez un apprenti couramment appelé Pip. Est-il ici? Oui, c'est moi. Je souhaite une entrevue avec vous deux, en privé. C'était Les Grandes Espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Quatrième épisode. Avec Jacques Gamblin, Pauline Ziadé, Samuel Charles, Yann Boudot, Marie-Christine Horry, Aurélie Nusillard, Philippe Magnan, Jean-Gabriel Norman, Éric Chalier, Ange Amiel. Et les voix de Othello Vilgar, Alain Trémolière, Jean Pénec, Marie-Bénédicte Roy, Randiane Nali, Sidonie Laurence, Stéphane Sestac, Elsa Bellache. Violon, Nathanaël Serrault. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Manon Moussin. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.